au nom des joueurs russes, français, italiens et canadiens, et au nom de la délégation des patineurs biélorusses qui participent au 25e Festival international de patinage artistique pour le prix Bektusan, consacré à la journée de la brillante étoile, Edwin Maton et Mihail Kololuk ont adressé le 16 les lettres au dirigeant suprême coréen Kim Jong-un. Ils y ont parlé de leur honneur et chance de célébrer ensemble avec le peuple coréen le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Ils ont indiqué que le présent festival annuel est le rendez-vous d'excellents patineurs artistiques de divers pays du monde pour célébrer le 16 février, fête suprême de la nation coréenne, et le théâtre de l'amitié pour échanger les techniques et expériences sportives sous le noble idéal d'indépendance, de paix et d'amitié. Ils ont souligné d'exécuter au niveau élevé leur démonstration de patinage artistique pour contribuer à la célébration de la journée de la brillante étoile et encourager le peuple coréen engagé dans l'édification d'une puissance.